dans le noir. Un coup de soleil ne t'étonne pas. Il est pour toi, le métal blesse ta peau. Ton visage se déchire. Hurle, hurle, le sang glisse. Il enclenche des freins plastiques. Dans le noir, coupe de lui, ne t'étonne pas. Il est pour toi, dans le noir. Coupe de lui, ne t'étonne pas. Il est pour toi, tu hurles à mes oreilles. Tu glisses dans ma tête. Mon cerveau se déchire. Je jouis, tu vas mourir. Meurs petite, c'est le cinéma. Dans le noir, coupe de lui, ne t'étonne pas. Il est pour toi, dans le noir. Coupe de lui, ne t'étonne pas. Il est pour toi, j'accroche les chairs. Je les écarte, je les pénètre. Je jouis, je les rose. Tu mouilles le trottoir. Viens mec, viens au cinéma. Cher de la gosse. Et j'accumule sur l'écran. Je prends sa mort. Je fais du cinéma. Stop movie, stop movie. Viens mec, viens au cinéma. Stop movie, stop movie. Viens mec, j'ai le cinéma. Stop movie, stop movie. Ça n'est plus du cinéma. La cause c'est mort. Toi tu jouis. Stop movie, stop movie. Ça n'est plus du cinéma.